Nicolas Cage, Dieu, la fin du monde. Cette semaine, on a maté Left Behind et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Left Behind de Vic Armstrong. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Greg. Bonsoir Greg. Bonsoir. Julie, bonsoir Julie. Bonsoir. Barbara, bonsoir Barbara. Bonsoir. Et enfin Mickaël, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. On l'avait pas eu la semaine dernière. Cette semaine, on parle de Left Behind, Les Oubliés, titre québécois, de Vic Armstrong. Et le chaos, film français. Sorti en 2014 de 110 minutes avec Nicolas Cage, Chad Michael Murray et Nikki Whelan. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait horriblement à ça. Je suis tellement heureuse, mon cœur. Alors, tu es prêt pour l'anniversaire de papa? Oh, il a encore dû aller travailler. Ah, ma chérie! Bienvenue à bord du vol 257 de la Pancon à destination de Londres. Voilà, voilà, donc un film assez costaud, hein, qui commence déjà dire, quand, ouais. Quand t'entends la voix de doublage de Nicolas Cage, c'est monstrueux, je sais pas. Pourquoi c'est pas sa voix? Moi je l'ai vu en anglais. Hein. Moi aussi je l'ai vu en anglais. Je trouve très bien, non? Ouais, moi en fait moi je l'ai. C'est moi, sa j'ai... voix? Enfin, c'est sa voix française. Ah non, c'est pas sa voix française, non. Ah bon? Ah, je sais pas ce que c'est comme voix, c'est la voix française de personne, ce truc-là. Il y a personne qui parle comme ça. Bon. Ce film, c'est très très très compliqué parce que c'est vraiment un navet ultime. C'est un navet, on comprend pas en fait parce que c'est. C'est la science-fiction, film catastrophe avec des avions qui explosent et qui doivent atterrir, un film religieux, un film... Enfin, tu vois, il y a c'est une espèce film. De soupe de merde. C'est hyper chiant. C'est hyper le film long. De l'enfer, quoi. C'est vraiment, je pensais que ça allait être... Non, c'est pas du paradis. Non, mais je pensais que le pire, ce serait King Rising, mais en fait, j'avais pas vu Left Behind, quoi. C'est vraiment. Horrible. C'est une angoisse. Bah moi je suis étonné parce que écoutez, c'est vraiment un film de merde. Ah mais non, c'est enfin, bah, en fait je le dis un ça, peu toutes les semaines mais c'est la première fois que ça fait l'unanimité comme ça. Hein. C'est clair. Ah. Je le dis toutes les semaines à chaque semaine je dis on a vu le pire film de l'histoire de 2 heures de perdu mais là je crois que pour le coup c'est vraiment le pire de l'histoire de 2 heures de perdu. Mais c'est là, chiant. C'est oh. Mais ça c'est finit horrible. Pas, jamais. Alors, même King Rising, la version de 2h30, elle était plus courte que celle-là d'1h50. C'est vrai que j'ai préféré King Rising. Pour le faire. Hein, c'est une commande d'une église intégriste, ce film. C'est, et c'est pas possible. Non, mais la scientologie n'est pas une secte. Ben non, il y a Tom Cruise dedans, tout est dedans. Un charmant jeune homme à son âge, à mon avis. Il a choisi la bonne religion, le boucre. J'ai une petite anecdote avant même de commencer à en parler, c'est que Nicolas Cage a donné tout son salaire à la mission, enfin aux missions du christianisme à Paris. Ça sent en la France. Mauvaise traduction. Ouais, en fait, je l'ai en anglais. Alors je vais vous la dire en anglais, c'est Christian Missionaries Saving Souls in Paris, France. Quoi? Parce qu'en plus c'est en France. Ouais. Et apparemment, il a redonné tout son salaire. C'est chaud, hein. C'est chaud les marrons. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est très cohérent. Attends, parce il a... attends, ça suit vraiment la Bible, quoi. Il a fait don de son salaire. Tu veux dire qu'il a pas fait ce film pour des raisons alimentaires, en fait, qu'il a pas fait les films pour. Bah, je pensais et je l'ai trouvé dans les anecdotes. Bah, alimentaire, mais pour les Parisiens christianiques qui meurent de faim à Paris, quoi. Alors, c'est de l'intox et c'est pas une vraie anecdote IMDb, mais je crois qu'elles sont toutes vérifiées sur IMDb normalement. Ou c'est vrai, et en fait, il a vraiment fait don de tout ça. Attends, tu donnes tes sources, Julie, quoi. Ouais, oui, mais j'ai pas honte. Enfin, alors, avant qu'on parle de Nicolas Cage, c'est un personnage très intéressant, j'aimerais qu'on résume l'histoire de ce film. Et là, allez, je me lance. J'ai jamais fait de résumé. Eh ben alors, allons-y. J'allais interroger Greg, un expert historien en religion. Alors, il parlera sous ton... Enfin, tu parleras sous son couvert. D'accord. Vas-y, je te couvre. Bon, j'ai peur. Alors, c'est l'histoire très chiante, très longue. Ça, c'est déjà la bombe. Comment vous avez trouvé le film? Un peu chiant. On n'a pas parlé de ça. D'un pilote, d'une famille d'un pilote qui est infidèle. Michael, c'est pas très sympa de prendre la voix de Barbara pour un coup. Sa fille rentre à JFK. Oui, parce que là, tu dupes personne. Hein. T'es en train de raconter la première scène en détail, ce n'est pas un résumé. Non. Alors, sa fille rentre pour son anniversaire et au final, on se rend compte qu'il se barre pour travailler. Aussi pour choper. Et pour pécho, parce que... Pécho l'hôtesse de l'air. Ouais, c'est un cliché, mais c'est un film cliché, quoi. En parlant d'hôtesse de l'air, Julie, t'as été hôtesse de l'air, tu me disais, sur l'émission précédente. J'ai jamais chopé de pilote, hein, si ça peut vous rassurer. Oh, ça me rassure. Bah, attendez, on laisse finir. Je suis soulagé. Qu'est-ce que je suis soulagé. Et au final, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui disparaissent, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a un parallèle entre ce qui se passe dans l'avion et ce qui se passe sur Terre. Et voilà. Alors on va faire en fin de saison le top 3 des résumés. Je pense que tu seras bien classé. Heureusement Mickaël est un bon challenger, mais là franchement c'est pas mal. Je peux faire ma version. En gros parce que c'est en plus moi j'ai trouvé une version du résumé sur Allociné tout ça avant de regarder le film parce que j'étais curieuse et en fait je me suis demandé si je regardais le bon film parce que en gros c'est les événements après le chaos, donc la disparition des enfants et de certaines personnes et comment les gens ont réagi par rapport à ce chaos. On va faire un point religieux tout à l'heure. Moi, pendant une heure, je me suis dit que j'étais pas en train de regarder le bon film parce que pendant une heure, les gens n'avaient pas disparu. Et je me disais, mais c'est pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est 2012 que je suis en train de regarder. Je l'ai écrit à un moment dans mes notes. J'ai écrit où va ce putain de film? On suit des scènes quotidiennes hyper ennuyeuses. Il ne se passe absolument rien. Moi, j'avais pas du tout lu de résumé. Je savais pas ce que j'allais voir. Et juste, j'avais fait 2-3 clics, tu vois, sur la timeline. Donc, j'avais vu un avion, tu sais, en feu. Je me suis dit, ok, bon, bah, je regarde le même film que celui de la semaine dernière. Et donc, ça, je me dis, bah, ça met du temps à exploser et tout, machin. Et puis, au bout d'un moment, il y a le moment où tous les gens disparaissent et je fais, non, mais c'est quoi le film, quoi? Mais quels sont les bails? Moi, j'ai appelé ça le pouf. Parce que je crois qu'il y a un bruit d'ailleurs au moment où les gens disparaissent et ça fait vraiment un. Il y a un fuit. Donc, le film s'ouvre sur un débat entre une star de la télé. Ouais. Un reporter. Un reporter, donc c'est le plus grand reporter de BFM TV. Qui discute c'est le mec des frères Scott. Oui. Ah bon? Et oui. Wow. Et qui discute avec une dingo de la Bible. Alors pourquoi dingo? Parce qu'elle est totalement dingo, quoi. C'est un bon argument. Elle annonce un peu le chaos, non? Elle alpague le journaliste en lui demandant s'il lit la Bible et en fait il dit oui, mais moins que vous probablement. Et puis elle part. Alors déjà cette polémique où t'as trois personnes qui se connaissent pas qui commencent à rentrer en polémique sur la religion dans un aéroport, c'est ridicule. Non mais surtout c'est pas un débat sur la religion, c'est un débat sur quoi, tu ne lis pas la Bible, tu n'es pas croyant, mais tu vas aller en enfer. C'est le point de base du débat, quoi. Et là, t'as des mecs qui vont se greffer là-dessus en disant non, mais j'aimerais qu'on en débatte. Mais à un moment, tu fais bon, ouais, c'est bon, t'es zinzin, on va sur le côté. Moi, j'ai un avion. On fera ça à l'arrivée si tu veux. Donc le reporter se fait secourir par la jolie blonde héroïne du film, en fait la fille de Nicolas Cage, qui vient à son secours. En gros tout le début c'est du prétexte, c'est-à-dire que la fille va rencontrer le père, ils vont tous se rencontrer avec le journaliste tombe en une seconde amoureux de la nana tombe en une seconde amoureux de lui. C'est blablabla sur blablabla au café de l'aéroport. Pendant une heure, moi j'ai cru que ça allait pas sortir de l'aéroport. Hein. Tu comprends très subtilement quand même. Bah, pendant une heure, ça ne sort pas de l'aéroport. que Nicolas Cage trompe sa femme avec une espèce de salope de Nil, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Moi j'ai noté dans ce film, toutes les hôtesses de l'air sont détraînées. Et tous les pilotes trompent leur femme. Alors qu'on sait très bien que non, Julie. Bah non, ça je peux vous le dire. Non. Les pilotes trompent leur femme, en même temps, il n'y a que Nicolas Cage qui trompe sa femme. Oui, c'est le seul pilote qu'on voit. Et puis non, parce que tous les autres pilotes disparaissent. Tu viens de dire n'importe quoi, Julie, attention. Hein. C'est le premier cliché du film. C'est le pilote qui se tape une hôtesse quand il est en vol. C'est pas vraiment un cliché non plus, excuse-moi. Ah bah détrompé. J'ai été pilote. Ensuite, alors là, il y a un truc, c'est un mini détail, mais ça m'a fait rire. Il s'est passé un truc entre vous, entre toi pilote et Julie hôtesse de l'air. Moi aussi j'ai noté un truc très drôle. Le truc qui s'est passé, c'est que j'ai pas été pilote. De toute façon, et il rencontre sa fille à l'aéroport et il lui dit tiens, bah allons discuter quelque part. Et au moment où il finit sa phrase, il fait ici. Et là, il s'assoit direct, il y a une table de libre. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que mais en plus, Nicolas Cage, il est en train de monter l'escalator et il voit, et en une demi-seconde, il voit sa fille qui a rien à foutre là. Il la voit à 200 mètres et il fait, oh merde, il m'a pillé. Il faut savoir que sa fille le voit pareil en une demi-seconde à 200 mètres. Et en fait, il y a sa collègue hôtesse de l'air qui essaye sa casquette et puis lui dit, oh, tu m'as piqué ma casquette. Et moi, j'ai noté un truc que la fille, elle dit, à un moment, elle dit, je parcourais le dictionnaire des synonymes sur mon téléphone ce matin. Est-ce que vous parcourez régulièrement le dictionnaire des synonymes sur votre téléphone le matin? Oui, j'en suis à la page 392. Ah, c'est bien ce que je me disais. C'est Mickaël, ça m'étonne pas trop. Bon, en gros, il se passe une demi-heure, il se passe que dalle, ils montent tous dans le zingos. Par contre, moi, il y a un truc qui me surprend, c'est qu'il y a quand même très peu de monde dans cet aéroport. Ils doivent être à Beauvais, je pense. Il y a très peu de monde à l'aéroport, il y a aussi très peu de monde dans l'avion, on va y revenir. Attends, ils te disent 20 fois. Bienvenue à l'aéroport JFK. Oui. Tu l'entends 20 fois. Bah, l'aéroport de Beauvais, c'est pas JFK, non? Là, il y a un truc qui fait marrer, c'est qu'elle discute avec le reporter qui va prendre le même avion que son père. Je sais même pas comment elle le sait. Et elle dit, tiens, donne ça à mon père. Donc elle lui donne des places pour YouTube. Non, mais il y a toujours un bagagiste avec des places de concert, de toute façon, dans les aéroports. Moi, il y en a un qui m'en a filé pour ACDC, hein, la dernière fois. Bah oui, je me doute. Et là, il y a un bagagiste, comment il tombe aussi sur la fille du pilote, quoi. C'est mauvais, il y a trois personnes, c'est trop facile. Et là, ça donne l'impression que c'est un petit village, tu sais, tout le monde se connaît, le bagagiste connaît le pilote. Et là, elle donne les places de concert au reporter, parce qu'il va prendre l'avion. Et là, il fait, ouais, j'essaierai de lui donner. Il y a un cut, et le plan d'après, il fait toc, toc, toc, et il est dans la cabine de l'avion. Mais elle est où, la sécurité, là? N'importe qui peut rentrer dans la cabine, tu sais. Ça, c'est pas ce qui m'a le plus choqué, en fait. Post 11 septembre, c'est quand même compliqué d'aller toquer et dire bonjour au pilote dans le cockpit. Hein. Ouais, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est surtout que le pilote me demande s'il aime les films de gladiateurs. Non, mais c'est genre, essaye justement quand t'es à Beauvais, tu le montes dans ton Ryanair, tu vas voir l'hôtesse qui est à l'accueil, qui te dit bonjour, et qui lui dit, excusez-moi, j'ai une enveloppe à donner au pilote. Allez-y, toc toc, voilà, salut, j'ai un truc à te donner. On se connaît pas, mais bon. Donc là, on a une présentation sommaire de tous les passagers, films d'avion. Attendez, t'as deux types de passagers. Il faut qu'on fasse un point passager, effectivement. T'as les passagers protagonistes et t'as les passagers la foule. Alors dans les protagonistes. T'as les premières classes et les échos, c'est comme ça. Dans l'ordre, vous me complétez s'il m'en manque. Un gros black. Ouais. Un petit nain méchant. Ouais. Ouais, c'est le nain connard. Je l'appelle Je l'ai appelé le petit nain pas content. Moi, c'est le nain vénère. Ouais, grincheux, on peut l'appeler aussi. Il y a un taliban. Il y a un riche texan. Il y a un couple de vieux. Il y a une toxico avec des lunettes de soleil. Il y a Lady Gaga, moi, j'ai dit. Il y a un chinois complotiste. Exactement. Ouais. Et alors là, ils ont tous des personnalités. C'est un chinois geek. Complotistes, geeks, ouais. Ils ont une particularité, c'est leur point commun, c'est sans doute ce qui les unit en première classe. C'est qu'ils jouent tous avec très, un enfant très mal. Aussi. Ouais. Ah oui, il y a la. Le nain fait bien le nain. Non, mais le nain, il est insupportable. Sa voix, elle est pitchée. Non, mais là, le casting, déjà, tu te dis, mais putain, mais c'est quoi ce casting? Mais c'est ça, c'est. Mais moi, en première, c'est que des clichés, quoi. Concrètement, c'est vraiment Love Story dans l'avion, quoi. En fait, vous savez, une fois que j'ai fini de regarder le film, J'ai cherché sur internet si c'était une parodie ou pas, si c'était une blague en fait, c'est peut-être que de l'humour, et à ce moment-là, le gars qui a fait ça, c'est un génie quoi. Mais personne ne le sait quoi. Et la réponse est divine, elle vient de là-haut, la réponse est non. Est-ce que ça serait pas pour mettre que des noms croyants du coup dans cette première classe presque? Pour pouvoir garder des personnages au moment de la disparition. Bah oui, parce qu'il en faut. Bah, sinon, parce qu'il n'y a que le vieux papy. Si tout l'avion disparaissait. ça aurait vraiment fini mon calvaire, je t'annonce. Ouais. Donc il y a toute la deuxième classe avec les gens inutiles. Ah oui, il y a les vieux, on n'a pas parlé des vieux aussi. Si, les vieux quand on va, et c'est rigolo parce que c'est rigolo, un vieux quand on pas. Et il y a les deux seules hôtesses de l'air de l'avion entier. Et il y a notamment Non mais en seconde, il y a 40 personnes, quoi. C'est un petit avion. C'est un petit avion, mais qui a 50 rangées. Et donc, du coup, là, on découvre aussi l'hôtesse de l'air qui est un peu chaud sous sa blouse d'hôtesse de l'air. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je repensais à la blague de Ray. Trop drôle. Je trouve qu'il a un humour décapant. Ray? Tu veux parler du commandant Steele? Uniquement présents autres personnes. Oh, vraiment? Alors vous deux, vous êtes... en fait. Non, pas encore. Mais nous avons prévu de nous offrir une petite parenthèse à Londres. C'est génial. Pourquoi tu m'as rien dit? Hey, mais où tu vas comme ça? Et je veux en savoir plus. Ah, elle va pas en savoir plus. Alors, il faut savoir que Antoine n'a jamais pris l'avion parce qu'il pense que les hôtesses de l'air sont en blouse. Alors, c'est pas des infirmières. Bah, je ne suis jamais sorti de l'hôpital. Donc voilà, puisque voilà, c'est pour ça, on explique que parce que tous les gens qui n'ont pas de valeur, faut bien qu'on l'explique avant parce qu'il va y avoir, je ne vous cache pas, une disparition. Mais avant la disparition, il y a un débat sur Dieu entre le nain et il se frite avec la petite fille Black. Et là, j'écris où va ce putain de film ? Je comprends rien du tout. Et en parallèle, il y a aussi donc la fille qui parle avec la mère, donc la mère donc la femme de Nicolas Cage qui est overcroyante, et on comprend que Nicolas Cage est un peu parti de son mariage et fuit un peu son mariage parce qu'il est concrètement marié à une dingo, on va dire. Et du coup, il y a une grande conversation où elles boivent, on dirait qu'elles boivent de la pisse, hein, je peux vous le dire. Ça s'appelle du jus de pomme. C'est très courant chez Témoins de Jéhovah. On comprend que la fille, elle y croit pas du tout, et que sa mère, c'est un peu en calvaire, quoi. Elle la traite un peu de folle dingue, et elle va amener son petit frère au centre commercial pour se balader avec lui, c'est ça? Exactement. Et à un moment, il y a des gens qui font du breakdance, et je me suis dit, putain, mais... qu'est-ce que c'est que ce film que Non mais déjà le petit frère est insupportable. Pas. Première scène, tu m'as ramené un cadeau. et bah tu vois, c'est là que c'est mal fait parce que ce moment-là tellement il est insupportable, il n'arrête pas d'y aller. Alors là, déjà la première question, c'est qu'est-ce que fout Kate Lascar Black au centre commercial avec que des enfants pour faire du breakdance? Ça n'a aucun sens. Ceci dit, le glisser sur la table, je sais pas si vous l'avez vu. C'était très impressionnant. Il est canon. J'avais jamais vu ça. J'arrive plus à le faire. Ça, je le faisais bien. Faut dire qu'Antoine se déplaçait uniquement comme ça. Ou en serpent. Mais bon, ça a commencé un peu à me frotter le haut du crâne, j'ai arrêté. Tu te laver les cheveux tout le soir. T'as plus de cheveux. Devant, mais regarde. Ah, t'as vu. Et là, il va y avoir le moment hug. Hug est là. C'est le pouf. J'écris pouf, disparition. Et alors là, voilà, je vais expliquer. Je vais faire une petite parenthèse de 30 secondes. Je vais expliquer, je vous laisserai plus tard rajouter les détails. Il y a un concept qui est très américain qui s'appelle le rapture. Et le rapture, c'est en gros, juste avant l'apocalypse, il va y avoir 7 ans d'apocalypse sur la Terre. Dieu ramène au paradis les gens qui le méritent. Alors, pour le mériter, il y a une checklist, il faut croire en Dieu et pas faire trop de conneries, mais globalement, c'est flexible, mais pas trop, on ne sait pas trop. Ou avoir moins de 12 ans. Avoir moins de 12 ans, mais bon, ils sont... Mais tous les enfants disparaissent. Ouais, mais à moins de 12 ans, t'as rarement trompé ta femme, hein, puisque de toute façon, tu n'es pas marié. Et tu n'es pas pilote. Ça fait des sacrés cadeaux de moins d'enfants. Et donc là, ce qui se passe, c'est que en même temps, donc ils vont disparaître, mais c'est juste leur corps, donc tout nu, mais ils vont laisser sur place tous les petits artefacts. Ouais, voilà, on ne sait pas où ils sont, mais ils sont à poil. Ils sont tous à poil là-haut. Et donc il y a les vêtements qui pouvent tomber au sol, les bagues, les bijoux, les lunettes, les casquettes, les chaussettes. J'ai une liste très précise, les slips. Je pense que c'est vraiment un stratagème très très fin de la part de Dieu, parce que c'est-à-dire que là, il donne la preuve de son existence. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout le monde croit en Dieu, vu qu'on sait qu'il y en a qui ont disparu. Mais ça marche pas. C'est un peu trop tard. Tu seras bien puni. Fallait croire avant. En fait, ça, c'est la punition de Dieu. Genre, ok, si t'avais cru en moi avant, j'aurais pu t'emmener au paradis. T'y as pas cru avant. Et bah, bien fait pour toi. Tu vas rester dans la merde. Au moment du pouf, j'avais pas encore compris. C'est comme ça que ça s'appelle en français. C'est le pouf. C'est marqué. Au moment du pouf, Dieu miséricordieux fera le pouf. C'est le troisième livre de l'Apocalypse du pouf. Pas comprendre avec l'improuve. Mais moi, j'avais pas compris encore que c'était cette relation à Dieu qui avait fait. Non, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès que tu le comprennes pas dès le début. Il commence au début du film, on parle de Dieu et tout. Tu dis ok, c'est une merde à l'américaine déjà. Tu le comprends quand il trouve genre la croix dans l'uniforme de son collègue copilote, non, Nicolas Cage. Il y a pas une histoire. Oui, il y a une enquête. Ouais, on va y venir. Les éléments de l'enquête. Mais je voulais vraiment d'abord expliquer le concept. Du pouf. Voilà, du pouf. Ouais. Et donc, c'est tous les enfants, tous les croyants sont au paradis. Les enfants sont pas là. Ah non, c'est des enfants et des gens, mais tu sais pas trop pourquoi. Voilà. Oui, tu sais pas pourquoi, en fait. Et moi, ce que je suis d'accord avec Greg, c'est vrai que c'est un peu un coup de pute, parce que c'est pas rétroactif. C'est-à-dire, mais maintenant, j'ai vu que c'est vrai. Ah, là, j'ai changé d'avis. Non, mais surtout, attends, c'est super pas cool de la part de Dieu. Il aurait pu faire un mini-signe avant pour faire, les derniers qui croient toujours pas en moi, vous avez vu? Je fais de la lumière là dans le ciel. Parce que là, c'est vraiment super pas sympa, quoi. Mais il a envoyé ses prophètes. On les a pas écoutés, c'est ça? Ouais, mais ils étaient là il y a 2000 ans, t'entends, et ici, avec ça dans la foulée. La dame de l'aéroport, la prophète, elle l'avait prévenu, hein, la dame de l'aéroport du début du film. Elle vous avait prévenu, hein, que ça allait se passer comme ça. Bon, bref, moi je trouve que ce système, franchement, il est merdique. C'est pas très sympa, hein. Ouais, je trouve qu'il est vraiment pas sympa. Ça présente Dieu sous un mauvais visage. Je ne suis pas d'accord avec cette théorie. Moi non plus. Et donc direct dans la foulée. Donc maintenant tout le monde vient de disparaître. Pouf pouf pouf pouf pouf pouf pouf. Il y a attaque directement de la voiture sans, avec personne dedans. Alors c'est-à-dire que ah ouais, alors c'est à ce moment-là que la scène de panique. La fille de Nicolas Nicolas. À ne pas confondre Nicolas avec le revendeur de vin. Elle va quand même jouer de malchance, c'est-à-dire que coup sur coup, elle va paumer son petit frère. Il y a une bagnole qui va lui foncer dessus. Ensuite, une avionnette. Après, elle va se faire braquer son sac à dos, plus braquer au pistolet par un autre gars. Tout ça en 5 minutes de film. Alors là. Pour essayer de faire scène de braquage extraite de Julie Lescaut d'ailleurs. Apocalypse, plus couramment nommé Pouf. Attaque à la voiture avec personne dedans. Mm-hmm. Pendant ce temps-là, dans l'avion, émeute totale. Alors j'aimerais que vous fassiez très très attention à l'extrait que je vais passer. Il y a un moment, les gens ils se mettent à paniquer et ils disent. Il faut qu'on rentre, c'est le pilote qui va nous expliquer. Je veux absolument voir le pilote. Non, mais mec, il vient de se passer un truc totalement surréaliste. Tu crois qu'il a les réponses? D'ailleurs. Oui, bon, je vais vous expliquer. Je vous dois quelques explications. Tout le monde reste assis. Je veux savoir ce qui se passe. Viens avec moi. Il nous faut des réponses. Il a intérêt à se montrer le commandant. S'il vous plaît. J'exige de voir le commandant. C'est une bande. Stop. Non, arrêtez de m'entrer. Votre attention. Ici le commandant. Ici le commandant. Ici, c'est un tolérateur. Veuillez regagner votre siège immédiatement. Kilo. Ça suffit. Messieurs, retournez à votre... C'est vrai que c'est pas la voix de Nicolas Cage. Non, c'est vrai. On sent la tension hein, quand même. Hein. Et donc ils veulent tous voir le pilote. C'est ridicule. Et ensuite. Petit détail, vous avez remarqué dans tous les films, on met l'avion sur pilote automatique, mais alors là. Le pilote, quand il a disparu, là, le copilote, l'avion n'était pas sur pilote automatique. Oui, mais automatique, le pilote automatique est parti au paradis. Lui, il avait jamais fauté. Et il croyait en Dieu. Mais il a jamais trompé sa femme, le pilote automatique. Alors, il a flirté avec un circuit électronique. Il a flirté avec la boîte noire, mais c'est tout. Il y a des scènes de pillage aussi sur Terre. J'aimerais qu'on le souligne. Et à un moment, il y a un monsieur qui sort avec une veste et un cintre. Et moi, j'ai cru que les gens s'étaient transformés en cintre. Alors, c'est là où c'est sorti avec son frère. C'est là où c'est bien nul. C'est là. Donc, on apprend qu'en fait, ils ont disparu parce que Dieu. Attends, c'est bien plus tard. Ouais, bon, mais je t'explique juste ça. On comprend que Dieu a mis les gens. À l'abri au paradis, donc là c'est le chaos sur Terre, mais tout le film va se concentrer sur ce crash d'avion en fait. C'est le chaos partout sur la planète. C'est hyper important. Mais on est vraiment focus sur l'avion qui va prendre feu évidemment pendant tout le long, quoi, tu vois. Il y a reporter beau gosse qui fait son documentaire avec son 7D dans l'avion se balade. C'est vrai qu'il a une belle caméra. Ça m'étonne quand même que le nain connard ait pas été envoyé au paradis. Mais pourquoi? Ça avait l'air d'être un connard quand même. C'est pas parce qu'il est nain qu'il est. Ouais, mais normalement, il y a des. Pour les nains, Dieu, il est plus coulant. Hein. Déjà, il l'a fait tout petit. Déjà, c'était pas déjà, cool de sa part. Il l'avait fait pour le tester. Il l'avait fait petit. Ouais, déjà petit pour le tester. Il fait, t'as pas passé le test. Par contre, petit message, le musulman, il va pas au paradis. Hein, ça, c'est personne. Ah bah là, t'as pas cru au bon Dieu, chef. C'est ça. Tu restes là. T'as cru à Dieu, ok, mais pas le bon. Allez, tu restes. Je l'ai écrit. C'est horrible. Mais en plus, c'est trop marrant parce que même. À un moment, il fait bon, tu sais, il dans la scène de panique, il fait bon, allez, je vous propose qu'on prie et tout. Mais ça sert à rien. En même temps, le curé n'est pas monté au paradis non plus. Oui, mais lui, il était pédophile, c'est expliqué. Le curé, il doutait. Ah, le curé, il doutait. Bah, le curé, il croyait pas en Dieu. Ouais, s'il y croyait pas, il disait, moi, j'y ai jamais cru, je prêchais sa parole, mais j'y croyais c'était pas. C'était pour le pognon. Moi, je l'ai fait. Franchement, c'est fait pour la thune, c'est tentant. La morale de ce film me débecte un petit peu. Hein, moi, je la trouve vraiment cool. Vraiment, c'est un film plein de bonnes valeurs, pour le coup. Il y a pas mal de castagnes, nains versus chinois, nains versus. Il y a des nains versus, il y en a beaucoup. Le nain va globalement se friter avec tout le monde en première place. Pour les spectateurs, le nain, c'est. Pour les spectateurs, pour les auditeurs, le nain c'est Philippe Etchebest mais en petit format. Il est tout le temps énervé. Ouais. Et avec une voix super pitchée. Moi je voudrais vraiment revenir deux secondes sur la scène de braquage. C'est-à-dire que la fille, elle est en plein centre-ville, c'est les scènes d'émeute et tout. Il y a un cut, elle est sous un pont, en train de marcher avec le sac à dos de son petit frère qui a un sac Pikachu. Et là il y a deux mannes qui passent en scooter et qui lui arrachent le sac Pikachu. Et je dis, mais à quoi sert cette scène? Bah, c'est bah, pour c'est le chaos. Mais non, mais c'est vraiment la fin du monde. C'est vraiment la fin du monde. Les gens n'ont plus de respect, c'est quoi. Ils veulent les sacs. Mais c'est marqué dans l'Apocalypse de Jean, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament. Non, mais c'est noté qu'il y a des mecs qui vont te voler tes sacs en scooter. Parce qu'elle, elle a quand même perdu le sien dans l'histoire. Juste, enfin. Donc elle a en même temps, le jour de l'apocalypse, moi je m'amuserai pas à me balader avec un sac Pikachu. Hein. Je sais que des manos vont bien. Mais c'est le souvenir de son frère. Mais alors tous les petits sont croyants. Ça aussi, quoi. Bon, il va pas très bien ce système. Alors petit problème. Après l'attaque, ah oui, alors, désolée, à un moment elle casse une vitre, mais elle enlève pas tout le verre aussi. Vous avez pas trouvé ça super con? À un moment, elle balance un tabouret dans une vitre et tu sais, elle commence à en enlever un petit peu pour pas se faire mal, mais en fait, elle enlève pas tout et surtout, elle met ses mains sur le verre aussi. Toujours une très bonne technique d'entrer en mettant ses mains sur le verre par terre. Alors, c'est conseillé de faire ça nu. Oui. Elle se roule aussi, voilà, je crois. Sur le dedans. Et elle rentre en se frottant le dos, en faisant justement l'entrée de la coupole, la tête glissante, comme j'ai l'habitude de faire en breakdance. Après, on a la meilleure leçon d'aéronautique de Nicolas Cage avec un meuble en plastique. Vous l'avez vu en accéléré. Non, mais aussi, parce qu'à un moment, il explique pourquoi l'avion, le fuel de l'avion, il prend un gobelet en plastique. Il prend un gobelet en plastique, il fait deux trous, il fait voilà, en fait, l'avion c'est ça, crac, crac, et ça va se passer comme ça, quoi. Ouais, ça ressemblait un peu à papa, comment tu l'as fait? C'est ta mère. Il a fait un peu cette scène. Alors, après l'attaque de la voiture avec personne dedans, du coucou avec personne dedans, et maintenant c'est l'attaque du Boeing avec personne dedans. Puisque là, Nicolas Cage, il est face à un autre Boeing. Je suis content que tu aies réutilisé coucou. Ça, c'est une parodie de Y a-t-il un pilote dans l'avion, en fait, à ce qui paraît, quoi. Bam. À ce qui paraît. Et là, il y a le Boeing qui arrive de face. C'est le face-to-face. Le face-to-face des Boeing. Et là, c'est là, faut manœuvrer quand même. Hein. Là, faut quand même avoir de l'expérience. Oui, c'est oui. Ridicule. Mais c'est ridicule. Ah oui, tu vas faire un petit point avion, du coup, avec Barbara. Bah non, mais c'est carrément nul. Enfin, parce que... C'est ça, le point avion, Attends, je le trouve drôlement léger, ce point avion. Non, mais a priori, quand tu... Mais c'est même pas un point aéronautique, c'est a priori quand t'as un avion qui te fonce dessus, tu... Tu te baisses. Mais non, mais tu fais quelque chose avant qu'il soit à 200 mètres de toi, quoi. Non, mais surtout, tu peux carrément changer, tu peux changer de plan, quoi. Tu peux descendre, monter, tu peux aller partout, le gars, il est sur les rails. Exactement, ouais. C'est on a l'impression qu'il va le pousser à la force des mains, des bras. Non, mais c'est assez ridicule. Alors vient le moment des différentes théories. Alors là, c'est le moment de l'enquête dans le film. Donc après le chaos, maintenant ils vont essayer de savoir qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Le premier move très intelligent du nain, c'est d'accuser le taliban. Ouais. Et là, il y a un truc qui est très très très très drôle, c'est que le taliban. Mais ça, c'est pareil, c'est d'une imbécilité absolue. Le taliban dit non, mais attendez, nous, on sait fabriquer des bombes pour mettre dans des bagnoles, mais là, quand même, faire disparaître des gens, on saurait pas faire, quoi. J'ai fait what? Oh, ça va, vous l'avouez, quoi. c'est d'un arriérisme total. Le chinois, évidemment, complotiste, bah pour lui, c'est les aliens. Oui, d'accord. Et ce qui est marrant, c'est que le nain, il fait « Des aliens, non mais n'importe quoi !» Bah, n'importe quoi, excuse-moi, mais juste, là, il y a 40 000 personnes qui ont disparu, donc en même temps, n'importe quoi, ça pourrait être des aliens, ça pourrait être n'importe quoi, donc... La petite fille de Nicolas Cage, j'ai un truc aussi, à un moment, je me mettais à réaliser, parce qu'elle, elle cherche son frère, mais elle le cherche aléatoirement dans la ville, elle va dans n'importe quel bâtiment, elle va à la maternité. Et là, il n'y a plus un baby. Mais pourquoi elle trouverait son frère à la maternité? Non, mais je crois qu'elle va juste checker si tous les enfants sont... C'est le seul truc un peu intelligent du film, en fait. Ah, mais elle tombe quand même sur... La sorcière de la maternité. Une meuf qui sort de Gothica, quoi. Ouais, la meuf qui apparaît. Il y a la dernière théorie qui est apparemment la vérité, hein, n'est-ce pas? Voilà. Ouais. Et là, on l'apprend. C'était le rapture, donc en fait, voilà, tous les enfants ont disparu dans le monde entier. Et ça met le monde sans dessus dessous, hein, quand même, hein, franchement, hein, c'est le bordel. Mais du coup, ils font une justification, genre c'est écrit dans la Bible, mais c'est des conneries, c'est pas du tout écrit dans la Bible, ça. Ouais, alors, je confirme, moi qui ai lu... Oui, c'est ce que j'allais dire, Michael, toi qui as lu la Bible. Moi qui ai lu la Bible, je confirme qu'il n'y a pas de disparition dans l'Apocalypse de Jean. Il n'y a pas de pouf. Il n'y a pas de référence au pouf. Ils font un film... C'est la merde, important, c'est la merde. Hein. Non, mais c'est un film qui est inspiré d'un bouquin dans ce que j'ai lu, et les auteurs du bouquin, quand ils ont vu le film, ont dit que c'était le meilleur film qu'ils avaient jamais vu et que ça rendait totalement... Croyant. Non, que ça rendait totalement justice au bouquin. Donc je pense que le bouquin doit être trois fois pire en fait. Moi, pour l'anecdote, je m'étais un peu éloigné des religions en vieillissant, et là je m'en suis totalement rapproché avec ce film. Ah bah c'est normal. J'ai été vraiment touché en mon être. Mais non, mais là ça fait vraiment film de secte quoi. Mais non, mais ils font un film de propagande religieuse sur des faits qui sur des trucs qui n'existent pas. Et qui sont, c'est quand même assez incroyable, quoi. Et à côté de ça, ils te foutent des avions qui explosent et des courses poursuites, quoi. C'est quand même, c'est la modernité. Non, mais je pense que c'est le côté, on va aller taper dans le 13-18 ans, quoi. Tu sais, on va mettre des explosions, ils vont trouver ça cool, quoi. Non, mais c'est trop bizarre. Non, mais le pire, c'est que je pense qu'il y a en plus des mômes dans le monde qui se sont dit que c'était vrai. Non, mais c'est surtout qu'en plus, enfin, il y a un, va du Paris gagné. Je me permets d'en parler. Yes! Bravo, toute l'équipe. 5%. De fréquentation en plus. C'est surtout qu'il y a un autre, je me permets d'en parler à ce moment-là, un autre bouquin et du coup une série qui est inspirée d'un fait, enfin un bouquin assez similaire, ça s'appelle The Leftovers et c'est inspiré d'un bouquin de Tom Perrotta et en gros c'est 2% de la population qui a disparu sans qu'on ait d'explication là pour le coup dans la série. Et c'est une série sur comment les gens vivent leur deuil et interprètent ou n'interprètent pas ou surinterprètent. Et en fait, c'est tout le contraire de Left Behind, The Leftovers. C'est exactement le même genre d'histoire, mais traité avec de la finesse, traité avec justement de l'intérêt et avec du recul. Je te trouve sévère avec ce. Et je vous conseille vraiment, pour le coup, je vous conseille vraiment The Leftovers. Il y a la saison 2 qui a commencé. Attendez, c'est vraiment génial et ça pose vraiment des questions au lieu d'affirmer des choses. Ouais, on dit pas ces mots-là, bye et tout là. Et c'est mieux les bails des Leftovers, parce que ils montent quand même dans les tours, mais franchement, on sait qui c'est qui domine dans les Leftovers. En tout cas, moi, je suis content d'être ici avec vous sur le plateau de nos ciné. Moi, je viens de réaliser quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est qu'en gros, ce qui crée le chaos, c'est qu'en fait, la moitié de la population a disparu, enfin, leurs enfants ont disparu, c'est le chaos total, les immeubles se mettent à brûler, les avions tombent des airs. Mais en fait, dans les pays qui sont pas croyants, c'est tranquille, puisque personne n'est parti. Ah ouais, donc, eux, ils mènent une vie paisible, et en fait, ils sont tranks. Genre, je veux dire, chez les Arabes, en fait, c'est cool, quoi, puisque personne n'a disparu, les avions s'effondrent pas, ils ont... En plus, c'est parfait, parce que leurs ennemis jurés, les Américains, ils sont en flamme totale. En fait, c'est parfait, ils vont les rois du monde, quoi. Donc il y a deux écoles hein, quand même avec ce système là, il faut être au bon endroit. Ensuite on va passer sur ah oui, alors la maman qui a disparu, alors un suspense insoutenable pour savoir si elle a disparu, sachant que c'était carrément évident. La mère hyper croyante, je le rappelle. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle a disparu sous la douche en plein après-midi. Bah, comme ça, au moins, il n'y avait pas les vêtements. Il y avait juste son alliance. Ah oui, apparemment, elle prend sa douche avec ses boucles d'oreilles, visiblement. Oui, mais elle transpire drôlement. C'est pour ça qu'elle prend la douche en après-midi. Non, mais t'imagines, la maman est hyper catho et tout. Elle est douchée à 7h moins le quart avant que tout le monde ait pris son petit déjeuner, tu vois. Enfin, dans le stéréotype de l'Américain. Ouais. Moi, je crois que surtout la morale de ça, c'est... Je comprends pas très bien le lien entre Cato et prendre sa douche le matin. Non, mais c'est juste que la meuf, c'est un stéréotype, tu vois. Parce qu'à la rigueur, on aurait trouvé un gars Michel dans la douche. Je sais même pas si c'est l'église catholique qui est mis en question là dans ce film. Je sais pas, c'est jamais assumé. Il y a jamais de mots. C'était en ouf. Non, mais on sait pas. Mais non, mais si, il y a un pasteur. Il y a un pasteur, donc ouais, c'est peut-être. J'ai été pasteur, donc je sais. Moi, je pense que la morale. C'était en même temps ou après que. T'étais pilote de ligne. J'étais pilote de ligne, prêtre. J'allais prêcher la bonne parole. Est-ce que t'étais garagiste et tu vidangeais les avions? J'étais médecin aussi. La moralité de cette petite histoire, quand même, c'est qu'en fait, s'il y a quelqu'un de votre famille qui devient complètement barjou, n'hésitez pas à devenir croyant vous aussi. Parce que c'est un petit peu la solution. Moi, j'ai une. Il faut quand même que je fasse un point sur l'enquête de Nicolas Cage, puisque Nicolas Cage, il a un pressentiment. Il veut savoir ce que c'est. Et en fait, il trouve une petite croix sur le costume de son copilote qui a disparu. Donc là, il fait, tiens, croyant. Après avoir mis le bordel dans le costume. Il fouille le portefeuille d'une fille qui a disparu. Alors là, de la deuxième hôtesse de l'air. Voilà, il mime la colère en regardant chaque carte une par une. Et hop, il les jette derrière. Ça, j'ai trouvé ça assez puissant. Et là, il y a un truc qui m'a fait hurler de rire. Il trouve l'agenda de quelqu'un qui a disparu. Et là, il feuillette l'agenda page par page. Et là, sur une des pages, c'est écrit « Leçon de Bible mardi après-midi ». Et là, il fait « Oh, ils sont tous croyants !» Leçon de Bible. Mais mec, tu la connais ou pas? Non, je peux pas, j'ai mon cours de Bible. Tu fais quoi samedi? Bah, cours de Bible. Et donc là, voilà, il y a la rencontre avec le prêtre. Enfin, le pasteur, et qu'est-ce qu'il fout encore là, puisque c'est le pouf, et normalement, les pasteurs, t'es pouffé avec tous les autres. Je comprends pas. Vous étiez là tous les jours. Vous avez travaillé, vous avez prêché. Ce n'est pas ce qui comptait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les mots, je les connais. Je peux citer les chapitres, les versets, mais il faut croire aussi. Il faut prier. Prier, oui. Prier et croire. En un Dieu qui a tué mon père, c'est ça? Un Dieu qui a enlevé ma mère et mon petit frère et qui les a effacés de ce monde. Un Dieu qui a fait tomber les avions et détruit les villes. C'est pour les protéger qu'il les a tous enlevés. Protéger de quoi? Des ténèbres qui vont bientôt s'abattre sur ce monde. Persécution, guerre, 7 années de malheur. Alors il les a rappelés à lui. Ça veut dire qu'il condamne ceux qui restent. Moi, par exemple, qu'est-ce que je vais devenir, moi, maintenant? Ce n'est pas ainsi qu'il faut te poser la question. Demande à être pardonné. Il faut que tu mènes une vie meilleure et tu... Ah, c'est ça, c'est fini. Ok, tout est dit. Hein. Oh là là, ce qui n'a pas été dit, c'est que visiblement quelqu'un a pété un miroir. Parce que pour reprendre les 7 années de malheur, là. Là elle pose la question très intelligente, qu'est-ce que je vais devenir? Enfin, je veux dire, mon stage, comment ça se passe maintenant pour sa carrière? Et est-ce qu'il y aura encore des cours de Bible? Parce que ça va être plus dur à trouver, quoi. Mais oui, plus personne n'est croyant. Ça va être vachement chaud maintenant pour se renseigner sur ces trucs-là, puisque tous ceux qui savaient sont partis. Là, elle monte sur le pont pour se suicider, normal. Ça, c'est du suicide. Hein. Moi, je me suis fait la réflexion, genre, si ton père, ta mère, ton frère, tout le monde disparaît, c'est de la mise en scène, aller... Julie. Sorry, excuse me. Mais surtout, tu te fais chier à monter, mais c'est hyper haut, quoi. Enfin, t'as juste à te jeter du pont, t'as pas à aller monter sur les antennes. Elle monte sur le phare et elle tout. Elle monte dans les tours. Elle monte dans les tours. Ouais. Surtout qu'avec le vent qu'il y a, au bout de 2 mètres, à mon avis, elle est à l'eau, quoi. Mais il y a un moment, ça fait carrément scène du Titanic, quoi. Mais oui, mais c'est un petit montage, hein, là, d'ailleurs. C'est un petit montage, ouais. Avec une musique pop au milieu, mais moche à mort. Donc, elle va est sauvée par le gong. Mais voilà, le gong du téléphone, puisque son père arrive enfin à la joindre. Enfin, son père. Ce qui est incroyable, c'est que le téléphone fonctionne convenablement dans les avions, quoi. Tu vois. Ouais. Non, mais c'est téléphone satellite. Ils ont un GSM spécial. Ils ont un GSM. Ah bon, d'accord. Mais eux, ils ont pas besoin de lire la notice. C'est pas un bon contact. Ils payent pas un bon contact. Il me semble qu'Harrison Ford leur avait expliqué. Donc, grosse scène de love au téléphone. Du coup, elle décide de je vais essayer de vous sauver. Alors, je vous explique rapidement ce qui se passe. L'avion n'a plus de fuel. Ça ressemble un peu au film d'avant. L'avion n'a plus de fuel, il va se crasher, il appelle l'aéroport de New York. Alors ça, c'est à pisser de rire. Le gars, il fait salut. Ah, salut Christophe. Bon, qu'est-ce qui se passe alors? Vous aussi, vous avez des gens qui disparaissent? Ouais, nous aussi. Mais genre, ils sont hyper détentes. Et là, il fait, il y a une place là, JFK, pour atterrir? Ah non, c'est complet. Faut que tu te démerdes ailleurs. Et du coup, quoi? Non mais attends, mais il y a forcément de la place, en fait, tu vois. Genre, ah non, là, franchement, non. Hein. Oh, démerde-toi, hein. Et du coup, demi-tour, direction Beauvais. Et donc là, voilà, il faut trouver une piste d'atterrissage. Et là, elle a une idée. Il y a une route abandonnée. Elle trouve une moto pour y aller. Elle trouve une moto pour y aller. Alors, oui, attends. Parce que la fille de Nicolas, elle a été bien éduquée. C'est-à-dire qu'elle sait conduire les bagnoles, les méga-motos, les engins de chantier. Alors, on l'a pas vu pignoter l'avion, mais c'est le seul truc qu'on n'a pas vu, quoi. Mais alors, du coup, elle trouve une route en 2 secondes. Elle dégage toute la route avec un pick-up, avec un rouleau pour compresseur. Pour indiquer l'endroit de la route, elle va envoyer. Setup Fire. Elle fait, ouvre l'application boussole de ton téléphone et envoie-nous les coordonnées. Ah, oui. J'ai noté, hyper facile de faire atterrir un avion avec son smartphone. Ouais. Cool. Là, il y a un truc. Je trouve dur. Moi, il y a un truc qui m'a fait hurler de rire, c'est que tout le monde est dans l'avion. Bon, déjà, tout le monde est en stress maximal à l'intérieur de l'avion, mais moi, ça fait 1 heure que je suis mort d'une crise cardiaque. Et là, Nicolas Cage, il fait, bon, accrochez vos ceintures, on va atterrir. Et il fait le speech d'atterrissage d'urgence le plus horrible du monde. Oui, il fait, le plus flippant. Mesdames et messieurs, nous n'avons plus de fuel, aucune chance de survie. je vais essayer d'atterrir cet avion, mais on n'a aucune chance. En vous souhaitant un bon vol, merci. Et là, il faut qu'elle fasse une explosion. Ça pisse de rire, elle fait exploser un truc à 3 mètres, quoi. Prends un peu plus de recul, parce qu'à mon avis, ça va te péter à la gueule. C'est vrai, il y a des barils d'essence. Il y en a toujours hein, sur les pistes. Sur les routes abandonnées. Sur les routes abandonnées. Là où elle est forte, quand même, et là où elle a vraiment de la logistique, c'est qu'elle prend vraiment soin d'enlever toutes les petites barrières en plastique qui pourraient ralentir l'avion, tu vois. Oui, c'est jamais clair. Un avion de 800 tonnes, ça pourrait être arrêté par une petite barrière. Non, mais c'est pour le bus de Kenny Reeves qui arrive derrière. Et c'est aussi la fin de piste de Fast and Furious 6. Tout se recoupe, hein. Et après, bon bah voilà, FX2000, l'avion se atterrit dans un festival d'images de synthèse. Ils s'en sortent tous vivants, mais ça sert à rien puisque de toute façon c'est la fin du monde. Et qu'en plus, ils chopent même pas l'hôtesse de l'air alors que sa femme est barrée. Alors qu'il devrait faire un peu. Parce que elle s'en rend compte. Elle se rend compte qu'il est marié. Enfin, il est marié avec une pilote de 50 ans, marié. Peut-être trop bizarre. Petite anecdote, normalement, quand vous avez. Mais normalement, l'hôtesse de l'air, vous voyez, elle ouvre la porte de l'avion, là, et après, elle déplie le toboggan. Et ben, en fait, normalement, quand vous entendez armement des toboggans, et en fait, ça veut dire que, automatiquement, quand tu ouvres la porte, les toboggans, ils sont censés se déployer tout seuls. T'as pas à les déployer toi-même. Ouais, bah, donc, c'est un peu bizarre. Moi, je trouve pas ça très fiable. Je trouve que dans ces annonces, c'est le seul truc qui va pas. Elle est assez nulle aussi. Est-ce que tu pourras nous remettre ces explications sur Facebook? Absolument. Avec le cookie, hein, t'oublies pas le cookie. Avec le cookie. Globalement, un très, très, très, très mauvais film. Mauvais film, ouais, c'est le top 1. Un dernier mot. Donc on conseille évidemment. Un dernier mot. Dans le même concept, je vous conseille vraiment de regarder The Leftovers, qui ne donne pas d'explication quoi que ce soit, qui ne se base pas sur les croyances. C'est des gens aléatoirement qui ont disparu. C'est beaucoup mieux. Barbara, un dernier mot. Ah bah c'était l'enfer. Parfait, c'est le mot que je voulais. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. 5 commentaires. On a du 5 étoiles, on a du 0 étoile. On commence par Loïc Lecomte, qui trouve que ce film est très bien, figurez-vous. Il dit, je comprends pas pourquoi les commentaires, mais bon, sont si mauvais, mais bon, c'est comme cela. Il s'agit en fait d'un film basé sur les événements liés à l'enlèvement de l'église, tel que décrit dans le livre de la, à l'enlèvement de l'église, hein, tel que décrit dans le livre de l'Apocalypse. On n'a pas lu les mêmes livres, hein, je crois, tous, hein. Ouais. Bien. Je pense que cela permet à tous, hein, Antoine, de nous poser la question sur ce qu'il pourrait réellement arriver si un tel phénomène arrive. Bah, il arrive ce phénomène, du coup. Il arrive, si ce phénomène arrive. Et si Dieu existait? Et si ces événements arrivent d'ici quelques années? À méditer notamment pour ceux qui disent ne pas avoir la foi, ne pas croire à ce qu'il y a après la mort. Sincèrement, il faut vraiment avoir de la foi pour croire qu'il n'y a rien. Amen. 5 étoiles. Non, mais comme quoi, ces films font du bien à la population, quoi. Non, mais c'est sûr qu'il y a, des mecs qui... Non, mais c'est grave. Tu joues à la base, tu deviens complètement... Je suis sûr qu'il y a peut-être même des mecs qui pensent que c'est un documentaire. Alors, on a Béa, super film à voir absolument, qui commence fort. Hein. C'est LE film à voir, hein, Camille. Pour certains, le but d'un tel film est peut-être difficile à comprendre. Il faut savoir que ce film raconte une prophétie de la Bible qui va bientôt se produire. Ah, cela peut être surprenant, mais pourtant c'est bien une réalité à laquelle la Terre entière sera confrontée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Chacun croira, ou non, bien entendu, mais il est préférable d'être prêt. Amen. 5 étoiles. On a un commentaire 5 étoiles encore qui dit... Ah non, c'est un 0 étoile, ça. Vivement l'apocalypse, qu'on rigole un coup. Ça c'est un peu sensé. Mais ça, c'est toi, Greg, non? Ce film, ouais. Alors, il utilise deux mots oubliés. Il dit, ce film est une pure idiotie pour un gamin prépubère, ou plutôt, un cul béni. Et autre grenouille de bénitier. Si j'en crois les commentaires 5 étoiles. 0 étoile. Il est pas piteux, ce commentaire. Je voulais le placer aussi. Un commentaire 5 étoiles. Moi, M, qui dit, enfin un film réaliste. Ah, ça fait du bien, hein. Fondé sur des vérités bibliques. Ah bah voilà. C'est rare dans le 7e art. Stimulant à ne pas manquer, vous pourriez passer à côté de l'essentiel de votre vie. C'est dingue. Limite, ça me donne envie de relire la Bible, quoi. Ah, j'ai cru que t'allais dire revoir les livres. Non, jamais. Mais. Et enfin, le dernier commentaire, alors je pense que c'est le plus taré, c'est Louis G qui nous dit « Moi je l'ai pas vu, mais je l'ai adoré quand même !» L'histoire est magnifique, les décors sont magnifiques, les acteurs sont magnifiques, et mon chat est entièrement d'accord avec moi. Il a aussi adoré le film, qu'il n'a d'ailleurs jamais vu non plus. 5 étoiles. Magique. Mes frères, mes sœurs, merci d'être venus ce soir nous écouter, prêcher la parole du livre de Pouf. Dans l'église, des films de merde. Dans la chapelle de la bénédiction des films de l'enfer. Nous allons à présent avec sœur Barbara, sœur Julie, tirer les films au sac poubelle. Le chapeau a changé, il était trop petit, du coup on a pris un sac poubelle. Voilà, le chapeau est devenu un énorme sac poubelle. Alors Barbara, vas-y. Alors... On rappelle que vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes pour vous proposer vos films qui sont remis dans le sac poubelle. Ou alors un autre moyen de proposer ces films, les prier très très fort. Mais j'ai peur que ça marche moins bien. Alors, on a L'aventure intérieure proposée par Ben G2. C'est cool, l'aventure intérieure. C'est, ouais, moi j'aime bien l'aventure intérieure. C'est quoi? Film de Joe Dante, non? Putain, mais je connais. Ah ouais, c'est quoi? C'est 88 ça. Il me semble que oui. Allez, Julie. À vérifier, mais il me semble que oui. Tire dans le sac poubelle. Là, on entend bien qu'il y a un sac poubelle. Voilà, ça, on entend bien que c'est le. Alors, on a des gros moyens à 2 heures de perdu. Hein. En parlant de ça, continue à mettre dans le Patreon. Ouais, alors, j'ai claqué c'est un film, tout le Patreon. Il n'y a pas la personne qui l'a proposé dessus, mais c'est Léon. Oh, oh. Génial. On va pouvoir taper sur Besson, j'adore. Ça, c'est cool, ça fait pas deux films pareils. Moi, Léon, je vous expliquerai la prochaine fois, mais je suis une des seules personnes qui n'a pas vraiment aimé ce film. Ah bah non, on est deux. Oh bah, on verra. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vais mettre notre vraie musique de sortie. Mettez de l'argent dans le Patreon, s'il vous plaît. Comme ça, on pourra faire un épisode en live. C'est très très important dans la Sainte Chapelle de 2 heures de perdu, à savoir un restaurant chinois ou un kebab. On sait pas encore. Kebab, ça dépend si c'est un film turc ou chinois. Un pizzaïeul. Ou au Buffalo, hein, oh, pour être Buffalo, j'aimerais bien. C'est lui où il y a un film. Ouais. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'aventure intérieure, puis de Léon. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Bonne soirée.